Voyage aux îles Seychelles par M. Charles Aluo, chargé de mission scientifique. L'archipel des Seychelles, situé dans l'océan Indien, environ à 550 milles au nord de Madagascar et à 950 milles à l'est de Zanzibar, à son centre à l'intersection du 53°20' de longitude à l'est de Paris et du 4°30' de latitude sud. Il est composé de 29 îles ou îlots granitiques sur lesquels sont venus s'appuyer d'importants récifs de corail. Dans plusieurs ouvrages, on lit que ces îles de la mer des Indes reposent sur un vaste banc corallien. C'est là une erreur considérable au point de vue géologique. Les coraux ne croisent guère qu'au voisinage de côtes en voie d'affaissement. Leur présence est peut-être même une preuve d'effondrement lent des terres sur lesquelles ils s'appuient. Les légendes qui s'attachent à l'archipel des Canaries, dans lequel on a voulu voir les débris de l'Atlantide de Platon, ont eu, mais en se basant sur des considérations d'ordre scientifique, leur pendant aux Seychelles. Plusieurs naturalistes, notamment Lyell, Darwin, Haeckel, ont vu dans ces terres d'origine primitive qui se montrent entre Madagascar, l'Afrique, l'Hindoustan et les îles de la Sonde, les débris d'un vaste continent submergé auquel le naturaliste anglais Sclater a donné le nom de Lémurie, patrie des singes lémuriens, prototype des anthropoïdes et de l'homme. C'est dans le dessein d'aller vérifier ce que la géologie et surtout la zoologie pouvaient fournir pour ou contre cette importante hypothèse que M. le ministre de l'Instruction publique a bien voulu me confier une mission scientifique aux îles Seychelles. Je m'embarque à Marseille le 3 mars 1892 sur l'un des meilleurs paquebots des messageries maritimes, l'Australian, commandant Didier, et je dis au revoir au sol natal par une belle journée de Mardi Gras qui donne à la cité phocéenne un aspect encore plus remuant et plus gai, si la chose peut sembler possible, qu'à l'ordinaire. Le départ, fixé à 4 heures du soir, est égayé par les inévitables incidents du matelot qui s'oublie à terre, de la jeune dame qui s'oublie à bord dans de tendres adieux, du douanier que l'on trouve endormi derrière des ballots, etc. À 5 heures, la statue dorée de Notre-Dame de la Garde, frappée par les derniers rayons du soleil, est seule encore visible, semblable à une étoile à l'horizon. Le soleil et la France disparaissent en même temps, et l'électricité inonde aussitôt de lumière le colosse d'acier qui nous transporte avec une vitesse de 16 000 à l'heure. Une magnifique traversée de 4 jours nous conduit à Port Saïd, où nous entrons le 7 mars à 6 heures du soir. Après les visites habituelles aux cafés et à leurs orchestres de femmes, aux marchands de cigarettes et de photographies, je reviens à bord, d'où j'assiste au spectacle le plus infernal que l'on puisse rêver, le charbonnage de nuit. Une centaine de grands diables, qu'ils soient de race blanche ou noire, tous uniformément couleur de suie, puisent la houille dans d'immenses chalands accostés au paquebot et la transportent, au moyen de paniers jusqu'aux ouvertures des soutes, qu'ils atteignent en courant comme des singes sur d'étroites planches très inclinées. Cela se passe avec une rapidité incroyable, au milieu d'un vacarme épouvantable, à la lueur de grandes corbeilles de fer pleines de houille incandescente. Le 8 mars, à 1 heure du matin, nous avons l'entrée du canal de Suez. Nous déjeunons sur le lac Timsa devant Ismaïlia et mouillons à la nuit tombante devant Suez où nous restons à peine 1 heure. Le 11, nous essuyons un assez gros temps dans cette mer rouge que l'on m'avait décrite comme étant toujours calme. Sur un navire de 6500 tonnes, on risque peu, et cet orage a été plutôt bien accueilli, comme abaissant la température toujours très forte dans ces parages. Le 12, au petit jour, nous passons le détroit de Bab el-Mandeb, laissant à tribord la forteresse anglaise de l'île Périm, séjour enchanteur pour les officiers et soldats de sa très gracieuse majesté qui ont de petits péchés à expier. À midi, l'Australian mouille en ras de Steamer Point, presqu'île d'Aden. Pour me conformer à la tradition, aussitôt à terre, je prends une voiture pour aller visiter la ville d'Aden, située à environ 4 km de Steamer Point, et les fameuses citernes. Je recommande Aden, d'ailleurs si souvent décrite, non à ceux qui rêvent la fraîcheur et l'ombrage, mais aux vrais amateurs de couleurs locales. Cette dernière expression est même inexacte, vu le mélange de types tropicaux qui fait d'Aden la localité la plus extraordinaire que j'ai vue. Arabes, hindous, cingalais, nubiens, somalis, etc., revêtus de leurs costumes aux couleurs voyantes, se pressent pêle-mêle dans cette ville fantastique. Les rues sont assez propres et arrosées par de grands noirs presque nus, autant qu'il est permis de l'être sur sol britannique, qui court en laissant échapper l'eau de grandes outres de peau qu'il porte en sautoir. Seul mon fiacre fait une tâche européenne dans ce site étrange. Puis je vais voir le travail gigantesque des célèbres citernes, dans lesquelles une personne digne de foi m'a affirmé avoir vu de l'eau. En général, l'eau potable d'Aden est fabriquée par distillation de l'eau de mer. Un philanthrope anglais, imitateur de Wallace, a fait installer de loin en loin des tonneaux que l'on emplit tous les jours et auxquels le passant peut se désaltérer. Ces tonneaux portent l'inscription « Pro bono publico » et leur ombre, chose rare à Aden, abrite un policeman chargé de veiller aux abus. Après un dîner, aussi confortable que le permettent les ressources de la localité, à l'hôtel Suel, je reviens à bord en compagnie d'une douzaine de jeunes nègres dont la provenance mérite d'être signalée. Ils faisaient partie de la cargaison d'un négrier que les autorités anglaises ont capturé récemment. Après avoir fait prisonnier le patron, elles ont partagé les esclaves entre les missionnaires catholiques et protestants. Les pères capucins de Aden ont gardé ce qu'ils ont pu de leur lot et envoient le surplus à leur mission des Seychelles. Les pauvres libérés portent chacun au bras gauche un numéro qui leur tient lieu d'état civil. Je me plaisais à aller voir chaque jour mes nouveaux compagnons de traversée, dont la vue m'inspirait de philosophiques méditations sur l'esclavage et les prétentions des peuples dits civilisés. En voyant la tristesse navrante de ces jeunes gens, dont on avait tiré au sort la religion et la destination, je me demandais s'ils se rendaient bien compte qu'on leur avait rendu la liberté. On ne les vend plus, on les donne. Je crains qu'ils n'aient pas saisi tout le raffinement de cette distinction. Ah, que je voudrais pouvoir causer avec eux. Le dimanche 13 à 11h, nous doublons le cap Guanarfui, grand rocher rose affectant la forme d'un lion couché, gigantesque gardien de l'Est du continent noir, terrible allégorie. 12 heures après avoir passé la ligne, nous mouillons en ras de Sainte-Anne devant la capitale des Seychelles, Port Victoria, île Mahé, le 17 mars. Le baptême équatorial nous vient directement d'en haut sous la forme d'une de ces averses dont la zone tropicale a le secret. C'est d'ailleurs la première pluie que nous recevons depuis le départ de France. La végétation luxuriante et la bizarre conformation des roches qui se présentent en grande masse polie, nommée glacis, captivent tout d'abord mes regards. Ces énormes blocs de granit constituent la chaîne centrale qui parcourt Mahé dans toute sa longueur et s'élève jusqu'à 1000 mètres au morne Seychellois, point culminant de tout l'archipel. Mais je suis ravi à ma méditation par l'arrivée de quelques indigènes qui offrent aux passagers de les conduire à terre. J'avais toujours lu et entendu dire que la langue française s'était conservée aux Seychelles. Aussi suis-je fort surpris de ne pas comprendre un mot de ce que disent les bons noirs qui ont envahi le pont. Ce n'est qu'au bout de quelques jours, et en faisant de véritables efforts d'imagination, que j'ai pu constater qu'en effet le Kéol des Seychelles avait bien pu avoir pour point de départ la belle langue de Bossuet. « À quoi te va aller ?» me demandèrent mes noirs en déchargeant mes bagages sur la jetée. J'ai répondu « Au consulat de France ». Mais en réalité, je n'ai su que plus tard qu'ils voulaient dire « Où allez-vous ?» C'est surtout une éducation de l'oreille à faire. Je vais en quelques lignes tracer l'histoire de ces îles où je viens de débarquer avant d'en entreprendre la description. L'histoire des Seychelles ne commence en réalité qu'en 1742, époque à laquelle Mahé de la Bourdonnais, alors gouverneur des îles de France et Bourbon, envoie le capitaine Lazare Picot visiter ces îles sur la tartane Élisabeth. Picot fit un rapport favorable et y fut envoyé de nouveau en 1744 pour en prendre définitivement possession au nom du roi de France Louis XV. Un fait intéressant à noter est qu'on ne trouva sur aucune île la moindre trace d'êtres humains. L'archipel reçut le nom de La Bourdonnais et l'île principale celui de Mahé qu'elle porte encore aujourd'hui. Après la disgrâce de La Bourdonnais, le nouveau gouverneur des îles de France et de Bourbon, Magon, donna en 1756 au lieutenant Morfait la mission d'aller compléter les travaux de Picot et de changer le nom d'île de La Bourdonnais en celui de Seychelles. L'origine de ce dernier nom, qui a donné lieu à bien des erreurs et des discussions, n'a pas de rapport avec Hérault de Seychelles, qui monta sur l'échafaud en 1794 avec Danton et Camille Desmoulins. Les auteurs qui ont adopté cette version ont oublié de rapprocher la date du voyage de Morfait en 1756 de celle de la naissance de Hérault en 1760. Vraisemblablement, Ce nouveau nom fut imposé à ces îles en l'honneur de Moreau de Seychelles, contrôleur général des finances de 1754 à 1756. La véritable orthographe, celle qui a prévalu pendant l'occupation française, est bien Seychelles. La forme Seychelles avec un Y est erronée, quoique adoptée officiellement par le gouvernement anglais. Après 12 ans d'abandon, l'archipel reçut, en 1768, la visite du capitaine Marion Dufresne, envoyé par le duc de Praslin, alors ministre de la Marine. C'est au cours de cette expédition que l'île la plus importante après Mahé reçut le nom de Praslin et que l'ingénieur Barré y découvrit l'arbre qui porte la fameuse noix double nommée coco de mer, fruit dont l'origine était restée jusqu'alors mystérieuse. Je reviendrai sur ce sujet en décrivant l'île Praslin. En 1769 et 1770, Grenier, l'abbé Rochon, le vicomte du Roland, etc., ferment par leurs travaux l'aire d'exploration de ces îles qui vont être livrées à la colonisation. Les premiers colons arrivèrent aux Seychelles en 1770. Ils étaient tous français d'origine et venaient des îles de France et de Bourbon. Poivre, le célèbre intendant de ces deux dernières îles, s'occupa aussi des Seychelles et y fit apporter des îles de la Sonde les premiers girofliers et cannelliers en 1771. En 1789, la population de l'archipel est de 20 blancs, 9 noirs libres et 221 esclaves. En 1794, le gouvernement anglais, profitant des troubles intérieurs de la France, envoie aux Seychelles 3 navires qui se présentent devant Mahé le 16 mai de la même année, sous les ordres du commodore Newcomb. Ce dernier lance aussitôt aux paisibles habitants de Mahé la sommation suivante, dont l'insolence n'a d'égal que la lâcheté. Au nom de Sa Majesté britannique, je vous demande une immédiate reddition des îles Mahé et dépendances avec tout ce qui s'y trouve et peut leur appartenir. Je vous donne 1 heure de la délivrance de ce message pour vous décider. Si aucune résistance est faite, vous en supporterez les conséquences. Il n'y avait hélas qu'à se rendre, ce qui fut fait le jour même. Cette capitulation pourtant ne fut pas ratifiée en France, puisque Bonaparte, premier consul, envoyé aux Seychelles, sans jugement, 71 personnes soupçonnées d'avoir pris part à l'attentat de la machine infernale. Ces déportés, pour la plupart innocents, débarquèrent à Mahé le 14 juillet 1801 et furent très mal reçus par les habitants. Ce fut seulement le 24 avril 1811, après une seconde capitulation en 1804, que les Seychelles passèrent définitivement aux Anglais avec l'île de France, qui s'appela désormais Maurice et de laquelle elles dépendent au point de vue administratif. En 1837, les Seychelles comptaient 7000 habitants. Ce chiffre s'accrut rapidement. Il est aujourd'hui, recensement officiel de 1891, de 16 440, dont 8302 hommes et 8138 femmes. Les Blancs, à part un petit nombre de fonctionnaires, descendent tous de familles françaises des îles Maurice et Bourbon, aujourd'hui îles de la Réunion. Les gens de couleur sont originaires des contrées les plus diverses, africains de toutes races, malgaches, hindous, chinois, etc., arrivés surtout à la suite de l'abolition de l'esclavage, qui a eu pour résultat le plus immédiat, aux Seychelles comme partout ailleurs, la difficulté de se procurer des travailleurs, les Noirs libérés s'étant aussitôt adonnés à l'oisiveté et à l'alcoolisme. Au point de vue religieux, il y a aux Seychelles 13 500 catholiques, 2 600 protestants, le reste se divisant en hindous bouddhistes et musulmans. L'instruction publique est en majeure partie entre les mains des missionnaires français, capucins de la province de Savoie et sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui dirigent 24 écoles, dans lesquelles, en 1891, 1 600 enfants ont reçu l'instruction en langue française. Les missionnaires protestants anglais n'ont que 6 établissements fréquentés par 300 enfants environ. Ces chiffres montrent une fois de plus combien l'esprit français est difficile à déraciner dans nos anciennes colonies, car personne ne mettra en doute que les Anglais n'aient fait tous leurs efforts pour diminuer l'influence de nos missionnaires. Un fait entre 100. Dans le recensement officiel de 1891, les catholiques sont divisés en 3 sectes, catholiques, catholiques romains et catholiques apostoliques. Frappé de ces distinctions, j'ai demandé des éclaircissements à une personne fort au courant de la question. Elle m'a répondu bien bas que c'était là une consigne du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté pour faire croire à des divisions analogues à celles des sectes protestantes, mais m'a prié de ne pas le répéter. On peut encore voir dans ce rapport, comme curiosité, qu'il y a un libre penseur dans l'archipel. La carte de la page 66 en dira plus long, au point de vue de la géographie physique, que des listes d'îles et d'îlots. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons commencer par Mahé, la visite de l'archipel. Après avoir présenté mes hommages au consul de France, je me mets en quête d'un établissement où je puisse manger, boire et dormir, quelque chose comme un hôtel, dans cette capitale des Seychelles, 8000 habitants, la seule ville d'ailleurs de tout l'archipel. J'apprends avec joie qu'il existe, depuis quelques jours seulement, un véritable hôtel à Port Victoria, l'hôtel de l'Équateur, et je m'y installe bien plus confortablement que je ne l'avais rêvé. Situation charmante au bord de la mer, dans un nid verdoyant de bambous, de flamboyants et d'arbres à pin. Patron aimable, cuisine française, prix modéré, vin compris. En un mot, rien de ces établissements coloniaux anglais dans lesquels on laisse à la fois sa fortune et son estomac. J'engage le jour même de mon débarquement un domestique, beau noir d'une vingtaine d'années, qui m'a l'air robuste et intelligent. Il répond au doux nom de Sahal, prononcé à son créole de Charles. J'arrive à la saison la plus chaude, en plein changement de mousson. Mais bientôt, m'assure-t-on, les bonnes brises du sud-est vont s'établir et rendre le climat plus supportable. Ces moussons ont aux Seychelles une régularité parfaite. Les vents du nord-ouest soufflent de janvier à avril et sont accompagnés de pluies presque continuelles. De mai à novembre, les brises du sud-est apportent de la fraîcheur et quelques rares averses. C'est la saison agréable, j'allais dire la saison saine, bien que ces îles ne soient réellement malsaines à aucune époque de l'année. Chaque changement de mousson est accompagné d'un calme absolu de l'atmosphère. En mars et avril, décembre et janvier, la chaleur est véritablement accablante, bien que le thermomètre dépasse rarement 36 degrés. Sous ce climat, après un séjour prolongé, les Européens échappent difficilement à l'anémie et aux affections hépatiques. Mais ces maladies ne se compliquent jamais des fièvres paludéennes si funestes à Maurice, à Madagascar et sur la côte d'Afrique. Les cyclones qui ravagent si souvent les îles Mascareignes ne montent pas jusqu'aux Seychelles. En 1862 pourtant, elles furent atteintes par un de ces terribles météores qui y fit une centaine de victimes. Le lendemain de mon arrivée est consacré aux visites. Je trouve chez tout le monde bon accueil et bonne volonté à me seconder. Que dis-je ? On m'attendait. Les journaux de France arrivés par le courrier précédent avaient annoncé ma mission. Avant le coucher du soleil, je compte même de véritables amis, dont le dévouement et l'affection ne se sont pas démentis un seul instant pendant mon séjour et avec lesquels, de retour en France, je conserve d'excellentes relations. Le dimanche 20 mars, le meilleur de mes nouveaux amis, M. P.J. Guérard, Mme Guérard et moi, partons pour la Cascade, localité située à environ 8 km au sud de Port Victoria. Un des trois fiacres dont l'archipel sonore nous conduit jusqu'à mi-chemin. Bien que l'on puisse aller plus loin en voiture, force nous est de continuer à pied, car un cocotier est tombé en travers de la route il y a quelques semaines, et l'on attend qu'il se réduise en poussière pour pouvoir passer. Nos domestiques prennent les provisions et les instruments, et nous arrivons vers 10 heures à la petite mission de la Cascade, située au bord d'un torrent impétueux et délicieusement ombragé par les arbres les plus variés et les plus excentriques. Après un bain salutaire, le tire-bouchon et l'ouvre-boîte en main, nous nous disposons à faire honneur à nos provisions. Comme hors d'œuvre, nous avons des camarons, énormes crevettes d'eau douce, supérieures en finesse à tous les crustacés connus. Nous attendons que l'ardeur du soleil se soit apaisée pour regagner à pied Port Victoria en collectionnant lézards, escargots, papillons, etc. Dès le lendemain, je fais une des captures les plus intéressantes de mon voyage en m'emparant de magnifiques exemplaires de Cecilia, que certains Seychellois appellent vers, d'autres serpents, et qui sont en réalité des amphibies, batraciens sans pattes et aveugles, ayant une tête minuscule. Ces êtres étranges, dont les Seychelles constituent une des dernières stations, représentent un des plus anciens types de vertébrés sur la Terre. J'en conserve quelques exemplaires vivants dans une caisse remplie de terre humide pour observer leurs mœurs sûrement nocturnes. Décidément, la chaleur est intolérable, et j'accepte avec enthousiasme l'invitation que me fait le consul de France d'aller passer quelques jours à sa maison de campagne, située sur la crête de l'île, à plus de 500 mètres d'altitude. Ayant à gravir le versant oriental, je n'en commence l'ascension qu'à 4 heures du soir pour éviter le soleil. Le sentier en zigzag que je suis, précédé de mon domestique et de deux porteurs, est ombragé sur tout son parcours. Il traverse d'abord quelques plantations de cacao et de vanille, qui ont l'air florissantes et bien tenues. Les cacaoyers sont munis à quelques mètres du sol de sortes de focaux en zinc pour empêcher les rats de grimper jusqu'aux précieuses fèves. Plus haut, on serpente au milieu de la forêt impénétrable. À chaque instant, il faut franchir un petit torrent qui sort à droite de véritables grottes de verdure et se perd aussitôt à gauche dans les fouillis des vacuas, des canneliers sauvages, des lianes et des fougères arborescentes. Les endroits découverts qui n'ont pas encore été défrichés sont garnis d'un épais tapis de fougères appartenant à une espèce très répandue sous les tropiques, la Gleichenia dichotoma. L'enchevêtrement de ces plantes, qui atteignent et parfois dépassent la hauteur d'un homme, rend la marche tout aussi pénible qu'en forêt. Quand le regard peut profiter d'une trouée, il plonge sur Port Victoria et le mouillage de Sainte-Anne, où des navires sont ancrés en toute sécurité, à l'abri des nombreux îlots qui ferment cette magnifique rade. En moins de 2 heures, tout en collectionnant, j'arrive à la crête de l'île, dans la région dite la Misère, qui justifie bien mal son nom, car j'aperçois de jolies villas et de florissantes cultures de vanille. Je termine la semaine en aimable compagnie, dans une maison confortable et fraîche, d'où la vue plonge sur les deux versants de Mahé et s'étend sur les autres îles de l'archipel. Après avoir admiré un de ces orages tropicaux pendant lesquels l'atmosphère tout entière semble transformée en eau, je redescends à Port Victoria avec une provision de fraîcheur et une intéressante collection d'animaux, de plantes et de roches que l'on ne pourrait trouver dans la zone inférieure. Dimanche 27 mars. Je vais à la grand-messe à l'église des Pères Capucins. C'est un spectacle étrange de voir les petites négresses de l'école des sœurs arriver pieds nus, vêtues de gracieuses robes blanches à fleurs, et ayant toutes sur la tête un voile blanc encadrant leur figure et faisant ressortir la noirceur de leur teint. Elles entonnent l'aspergesse avec un ensemble et une justesse louable, mais il y a toujours le défaut de prononciation d'air qui donne une saveur toute particulière à leur petite voix de crécelle. Aspège me isopo et modabo, ou bien le cantique français bien connu « Pardon, maudier, pardon ». Au bout d'une demi-heure, avec la chaleur, l'atmosphère devient à peu près irrespirable. Mon voisin, l'ami Guérard, trouve que ça sent le cancrelat au clou de girofle. Je trouve la comparaison assez exacte, et nous sortons ensemble après avoir entendu le sermon du Père supérieur. Il prêche sur les passions et leur incompatibilité avec la pénitence du carême. « Vous vous éloignez de Dieu en vous rapprochant de la créature ». Je crains bien qu'il ne parle pour les murs en cette circonstance, car deux navires de guerre viennent de mouiller en rade de maille et l'hospitalité des belles Seychelloises est légendaire. Le lendemain, je prends une pirogue où je m'installe avec mon fidèle Charles, arme et provisions, et fais route vers le sud de l'île. Mes pagayeurs mettent la voile coco, c'est-à-dire une feuille de cocotier tressée en forme de voile, et se croisent les bras, car la brise est des plus favorables. Il est difficile d'imaginer une façon plus délicieuse de voyager que la pirogue à la voile. L'équilibre de ce genre d'embarcation est plus stable qu'on ne le supposerait tout d'abord. D'ailleurs, nous suivons de près les contours du rivage, nous tenant constamment en dedans du récif de corail, et en cas de sinistre, nous aurions pied partout. Au moment où nous doublons la pointe la rue, je suis frappé par la conformation des roches granitiques qui forment ce cap. Elles sont creusées, striées, ou pour mieux dire, cannelées, et cela dans le sens vertical, preuve que ces érosions sont certainement dues aux eaux atmosphériques. Or, comme les cannelures continuent au-dessous du niveau de la basse mer aussi loin que mon regard peut plonger, j'ai devant moi une preuve irréfutable de l'affaissement de l'île au sein de l'océan. Les vagues peu à peu effacent ces larges et profondes stries, mais combien de siècles leur faudra-t-il pour détruire l'œuvre que les agents atmosphériques ont mis peut-être des millions d'années à accomplir? D'ailleurs, si rien ne vient changer le cours des choses, les Seychelles continueront à s'enfoncer lentement, et un jour viendra où les récifs de coraux, des atolls, rappelant le contour des terres englouties, marqueront seuls leur emplacement et apprendront aux générations futures qu'elles ont existé, telles les croix sur les tombes. Après avoir tiré de ces témoins muets tout ce qu'ils pouvaient m'apprendre sur le passé et l'avenir, et les avoir photographiés, je remonte en pirogue. Mais le cap nous masque la brise, et il nous faut désormais avancer à la perche. En face de la pointe la rue se trouve le petit îlot du sud-est, sur lequel s'élève une des plus belles maisons des Seychelles. Un Anglais original et misanthrope avait acheté l'île et rêvait d'y couler des jours heureux loin des agitations de ce monde. Il ignorait malheureusement que la première qualité du parfait Robinson est la sobriété, il ne sut pas se contenter des produits de son île, du moins en ce qui concerne les liquides, il est mort alcoolique. Après une navigation de près de 4 heures, halte comprise, nous mettons pied au terre à la pointe du sel. Ce cap s'avance jusqu'au récif de corail. Il est donc assez périlleux de le doubler dans une embarcation chargée de bagages et de passagers. D'ailleurs, de cet endroit à la mission catholique de Lens Royal, où je désire me rendre, il y a peine une heure de marche sur un bon sentier. Mes pagayeurs se transforment en porteurs, et à la nuit tombante, je frappe à la porte de l'excellent père Philibert, qui me donne l'hospitalité la plus large et la plus cordiale. Je fais déballer mon matériel et mes provisions, mais hélas, j'avais oublié que nous étions en carême. Mes foie gras, galantines et autres friandises que je me réjouissais d'offrir à mon hôte resteront donc en caisse. Nous aurons à discrétion le poisson, les ourites, les pieuvres, le riz et en guise de pain, la galette de manioc. J'ai vécu de bienheureux jours dans cette petite mission du sud de Mahé, passant dans la mer une bonne partie de la journée, soit à pêcher, soit à faire des recherches zoologiques dans le récif de corail, où il y a de quoi faire perdre la tête à un naturaliste. Nous avions encore le choix de nous enfoncer en forêt et de faire, à l'ombre, de délicieuses promenades en causant d'histoires naturelles à propos des spécimens que nous capturions chemin faisant. Le père Philibert était bon observateur et de plus, habitant le pays depuis une quinzaine d'années, ses conversations avaient pour moi le plus grand intérêt. Que deux fois nous avons discuté jusqu'à une heure avancée de la nuit, en fumant des pipes autour d'une aromatique et salutaire infusion d'ayapana. Ce sont là des moments qui laissent pendant toute l'existence une impression de calme, d'oubli indéfinissable, et qui font perdre de vue, même au philosophe naturaliste le plus convaincu, l'immuable principe du « struggle for life ». Mais Lens Royal n'est pas tout l'archipel, et le devoir m'appelle vers les rivages des autres îles. Je ne dis pas adieu mais au revoir au père Philibert, et reviens à Port-Victoria faire mes préparatifs de départ. Le gouverneur m'offre de prendre passage sur la goélette de l'État, qui tous les mois apporte le courrier à Pralin et va ravitailler la léproserie de la petite île curieuse dont je parlerai plus loin. J'accepte avec empressement, et le 19 avril à 8 heures du matin, je m'embarque avec mon domestique sur Her Majesty's Ship Wave, qui cale au moins 20 tonnes, et comporte un patron noir assisté de 2 hommes d'équipage. Après être sortis du port à la perche, nous nous trouvons en rade, sans un souffle d'air, sous un soleil implacable. Je fais disposer une voile à l'arrière pour m'abriter, et la fait constamment arroser d'eau de mer. À 4 heures du soir, c'est à peine si nous dépassons l'île Sainte-Anne que l'on atteint facilement en 1 heure à l'aviron, or nous en avons mis 8. Au point de vue de la chaleur, c'est la journée la plus pénible que j'ai passée de ma vie, étant de plus dans les conditions les plus favorables pour avoir une insolation ou un coup de chaleur. Enfin, la nuit tant désirée arrive. Je respire, mais je redoute, si le calme continue, d'avoir encore à passer une journée dans ces conditions. Vers 11 heures, la brise inespérée se fait sentir, et à 4 heures du matin, nous entrons dans la baie Sainte-Anne, île de Pralin. Nos appels pour demander une embarcation ne réveillent tout d'abord que les chiens. Enfin, une pirogue se détache du rivage, et à 5 heures, je mets pied à terre devant la mission dirigée par le père Bonaventure, qui m'offre l'hospitalité. Après un premier déjeuner, que je ne crains pas d'appeler à la fourchette, car il y a 24 heures que je n'ai rien pris, je me mets en route pour le fameux ravin des cocotiers de mer, la principale curiosité des Seychelles, une des merveilles du monde. L'arbre dont il s'agit, et surtout ses fruits fantastiques, ont leur histoire que je vais rappeler en quelques lignes. Longtemps avant la découverte des Seychelles, les fameuses noix doubles, qui ont reçu bien des noms étranges en rapport avec leur forme, étaient connues aux îles Maldives et sur les côtes de l'Hindoustan, où elles étaient poussées et déposées par les courants marins. Comme on ignorait leur origine, on les considérait comme une production de la mer, d'où leur nom de coco de mer, sous lequel on les désigne encore vulgairement aux Seychelles. On attribuait à ces fruits des vertus spéciales, qui les faisaient rechercher non seulement dans l'Inde et aux Maldives, mais jusqu'en Europe. L'histoire rapporte que l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg offrit pour se procurer une de ces noix jusqu'à 4000 florins d'or, soit 80 000 francs. Ce fut l'ingénieur Barré qui, en 1769, découvrit à Pralin l'arbre qui porte ses fruits. Il en fit charger une corvette et l'expédia dans l'Inde. La vue seule de ce chargement enleva aussitôt et pour toujours à ce fruit toute valeur et tout prestige. Au point de vue botanique, le cocotier de mer et l'Odoïca seychellarum, décrivit par l'Abilardière. C'est l'arbre le plus majestueux de la famille des palmiers, par sa taille qui atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur, et surtout par la dimension et la forme en éventail de ses feuilles colossales. Il croît très lentement et n'est en rapport qu'au bout de 30 à 40 ans. Les feuilles, toujours en petit nombre, atteignent 7 mètres en longueur sur 4 en largeur. Cette espèce est dioïque, c'est-à-dire que les fleurs mâles viennent sur des pieds différents de ceux qui portent les fleurs femelles destinées à donner les fruits. Les noix mettent plusieurs années pour arriver à maturité. Lorsqu'elles tombent, elles sont enveloppées d'une bourre épaisse qui les empêche de se briser et remplies d'une gelée translucide, comestible, agréable par sa fraîcheur, mais sans saveur. Cette gelée prend peu à peu dans le fruit une consistance considérable. Pour vider de vieilles noix, préalablement sciées en deux, j'ai dû avoir recours au marteau et au ciseau. Le Lodoïca seychellarum est essentiellement indigène, non pas aux îles Seychelles, comme on le dit souvent, mais uniquement à l'île Pralin, et à l'île voisin nommée île Curieuse. Les pieds que l'on peut admirer à Mahé y ont été plantés de main d'homme. On a pu également en faire pousser à Ceylan, dans l'Inde, voire même dans les serres de Kew, en Angleterre, où l'on a obtenu un fruit en 1891. Il y en a aussi un exemplaire vivant au Muséum de Paris. Le Lodoïca est probablement l'exemple le plus extraordinaire que l'on puisse citer de la localisation d'une espèce gigantesque sur une très petite île. Cet arbre est de la plus grande utilité aux habitants de Pralin, auxquels il offre plus d'avantages que le cocotier ordinaire, par ses feuilles plus résistantes et plus grandes, pour la couverture des cases, et par ses fruits plus volumineux et se prêtant mieux à tous les usages de la vie domestique. Étant donné les nombreuses applications et la localisation si restreinte de cette plante, il était à craindre de la voir bientôt disparaître. Le cri d'alarme a été jeté en 1875 par E. John Horn, sous-directeur des jardins botaniques royaux de l'île Maurice. Après une description enthousiaste de la ravine aux cocotiers de mer, M. Horn termine en ces termes « La destruction des arbres qui s'y trouvent serait un outrage à la science et un déshonneur pour la civilisation ». Cet appel a été entendu, et le gouvernement anglais est aujourd'hui propriétaire et conservateur de la portion de Pralin où sont les plus beaux lodoïcéas. On peut aisément se procurer des cocos doubles sur les propriétés particulières, mais il est formellement interdit de prendre une noix sur les Crownlands. Ainsi se trouve assurée la conservation de cette intéressante espèce. J'arrive à la ravine après environ 2 heures de marche en forêt, arrêté à chaque pas par la vue d'animaux différents de ceux des forêts de Mahé. Plusieurs oiseaux communs à Pralin n'ont jamais été vus dans la grande île. Sur le tronc des arbres glisse majestueusement un des plus gros escargots du monde, l'Hélix studeriana, spécial à l'île Pralin, etc. Je m'arrête dans ces citations, le tour du monde n'étant pas une revue d'histoire naturelle. Mais d'après ce qui précède, le lecteur comprendra l'immense intérêt qui s'attache pour un naturaliste à l'exploration des diverses îles d'un archipel. Quoi de plus étrange que de voir ces petites terres s'y rapprocher, avoir dans leur flore ou leur faune des différences si considérables? Est-il une étude plus instructive et portant davantage l'esprit vers la philosophie de la science? Pendant la dernière partie du trajet, la broussaille devient plus impénétrable. Il n'y a plus de sentier, il faut regarder où l'on pose le pied. Mais tout à coup on fait halte et l'on relève la tête. On est alors saisi par la majesté unique du site. Les lodoïcéas au tronc puissant montent d'un seul jet à une vingtaine de mètres et là étalent 7 ou 8 feuilles d'une forme et d'une ampleur inconnues. Les pieds les plus élevés ne sont pas les plus beaux. Rien ne rappelle mieux le poteau télégraphique qu'un tronc de palmier qui n'en finit plus, et les feuilles trop exposées là-haut aux fortes brises se développent mal et sont déchiquetées. Le silence le plus absolu règne en cet endroit, et malgré soi, on parle à voix basse comme en un lieu sacré. Il semble que l'on soit transporté à une autre époque géologique à la vue de ces arbres si différents de ceux auxquels nous sommes accoutumés. « Je n'imagine pas, » dit M. Horn, déjà cité, « qu'il existe dans le monde un lieu d'aspect plus antédiluvien que cette ravine. » À midi, je suis de retour à la mission, après avoir pris un bain délicieux dans un torrent où j'ai fait une abondante pêche de camarons. Les deux jours suivants ont été employés à visiter les environs de la baie Sainte-Anne, le récif de corail qui enferme l'entrée et l'île Ronde. Le 23 avril, je vais visiter la petite île curieuse où le gouvernement anglais a installé une léproserie. Peu de lépreux dans le site enchanteur qui leur est consacré. Les malheureux noirs affligés de lèpre ne sont pas mis de force sur l'îlot. Mais ceux qui en manifestent le désir y sont transportés et nourris aux frais de l'État et ne peuvent plus en sortir. C'est là une mesure louable en vue d'arriver à l'extinction de cet épouvantable mal, fatalement héréditaire. Dans l'île de la Digue, où je me suis rendu en pirogue à voile, j'étais reçu par le père Jacques-Marie. Hospitalité cordiale, large, confortable, chez ce jeune capucin. Sous sa robe de bure, on devine le gentleman. Mais à ses qualités de chasseur, de causeur, dont j'ai profité, il en joint de plus sérieuses. Il est médecin. Et grâce à une charité éclairée, qu'il fait honneur, il soigne avec le même zèle, catholique, protestant, musulman et mécréant. À la digue, l'industrie du copra, ou huile de coco, est particulièrement florissante. Il s'est formé sur la côte occidentale de cette île un plateau de sable qui augmente rapidement et qui provient du comblement de l'espace qui sépare le pied de la montagne des récifs de corail successifs. Sur ce plateau, le cocotier pousse à merveille. J'ai fait la connaissance dans cette île de M. Chopy, propriétaire de la petite île Marianne. Il m'a invité à aller la visiter et a gracieusement mis une embarcation à ma disposition. Je n'ai eu qu'à me louer d'avoir profité de l'occasion, car j'ai trouvé sur Marianne une quantité d'oiseaux que je n'avais encore observés ni à Mahé ni à Pralin. Ces oiseaux, nullement craintifs, viennent sur la table pendant les repas et prennent sans cérémonie jusqu'au riz que l'on a devant soi. Cette intimité d'animaux généralement si sauvages me ravissait, et ma main, si prompte à s'emparer de l'animal qui cherche à fuir, hélas, le métier de naturaliste l'exige, se sentait désarmée devant ces êtres qui venaient familièrement se percher sur mon épaule ou sur le bord de mon assiette. De gros lézards gris, nommés margouillas, usent de la même liberté d'allure, mais ils préfèrent les liquides et lèchent voluptueusement le goulot des bouteilles. Une autre curiosité de Marianne, qui est restée fort longtemps abandonnée, est la quantité de poulets et de cochons, autrefois domestiques, que l'on y trouve redevenus sauvages. Ces poulets, qui se lèvent devant le chasseur comme des perdreaux, constituent un gibier de premier ordre. Les cochons, qui vivent en bande, sont devenus noirs, et leur poussent des défenses comme à de vrais sangliers. J'ai regretté de ne pouvoir rester que peu de jours sur cet îlot, ces jours enchanteurs pour le naturaliste philosophe. Je suis revenu à la digue, à Pralin et enfin à Mahé. J'arrivais le 2 mai à Port-Victoria après une traversée en canot des plus mouvementées, accomplie dans la queue du cyclone qui, le 29 avril, s'était abattu sur l'île Maurice, tuant ou blessant plusieurs milliers de personnes. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, avait eu lieu le maximum de perturbations aux Seychelles, avec un raz-de-marée qui m'avait déjà fait soupçonner de plus graves désordres dans les parages des Mascareignes. En attendant le courrier qui devait me ramener en France, j'ai continué mes recherches à Mahé et dans les îlots voisins. Je suis revenu passer une semaine avec le père Philibert à Lens-Royal. Enfin, je me suis livré au sport favori de la jeunesse seychelloise, la pêche aux requins. L'agent des messageries maritimes, M. Lagrèze, m'invite à prendre place avec lui et deux de ses amis dans sa baleinière pour les taquiner les féroces squales qui infestent la rade de Mahé. J'accepte avec enthousiasme et à 5 heures du soir, nous mouillons à 2000 environ au sud de Port-Victoria, un peu au-delà du récif de corail. Nous dînons copieusement en attendant la tombée de la nuit, moment favorable pour ce genre de pêche. Chacun de nous est muni de plusieurs lignes composées d'un hameçon de 25 à 30 cm de long, de la grosseur d'un cigare, retenu par quelques brasses de chêne en fer et uni à une forte corde d'environ 25 mètres de longueur. Chaque hameçon porte facilement 1 kg d'appât, composé de poissons aussi faisandés que possible. Dès que le soleil a disparu, nous voyons arriver ces messieurs qui ondulent gracieusement autour de notre embarcation, attirés par les reliefs de notre repas. Il y en a des blancs, des noirs, des petits et des gros, de 3 à 4 mètres de long. C'est effrayant de penser au sort qui nous serait réservé si, pour une cause quelconque, nous tombions à la mer. Les lignes sont mouillées. Tout à coup, M. Lagrèze sent un choc formidable à la sienne. Nous rentrons précipitamment les nôtres, car le requin qui se sent ferré se débat furieusement, et il serait impossible de l'amener s'il enchevêtrait plusieurs lignes sous l'embarcation. Mais ferré ne veut pas dire pris. Il faut aller lentement, rendre de la corde à propos, fatiguer la bête. Nous sommes trois à tirer sur la ligne. Peu à peu, nous amenons le monstre à quelques centimètres de la surface. À ce moment, un harpon lancé d'une main sûre atteint dans les reins l'animal qui, d'un mouvement brusque, cherche de nouveau à s'enfoncer. Il faut encore céder à son caprice, mais le harpon, retenu lui aussi par une forte ligne, donne un second point de halage auquel s'attellent nos quatre hommes d'équipage. Nous sommes maîtres de la partie et peu après, le requin reçoit au sortir de l'eau sur le museau un coup de hache qui le tue net. Il serait dangereux de cohabiter dans une baleinière avec un de ces animaux encore vivants. Les coups de queue sont terribles. Nous contemplons notre capture, un requin à ventre blanc de taille moyenne, 2,20 m de longueur, et nous nous disposons à rejeter nos lignes quand nous entendons des appels au secours. Nous levons rapidement l'ancre et nous partons à force de rames vers l'endroit d'où partent les cris. La nuit est complète. Arrivez vite ou nous coupons la corde! Enfin, nous lançons à temps une amarre aux deux imprudents qui se livrent à ce sport périlleux dans une pirogue minuscule qu'un gros requin, pris à une de leurs lignes, fait tourbillonner d'une façon inquiétante. Après une demi-heure de travail et avoir pris deux points d'appui au moyen de harpons, le squale est enfin amené au fond de la pirogue qu'il garnit dans presque toute sa longueur. Il a au moins 3 mètres. Pour terminer, nous prenons un magnifique requin noir, espèce au mouvement lent, un dormeur, dans le style des spécialistes, qui depuis quelques instants évoluait autour de nous, attiré par le sang de celui que nous venions de capturer. À 10 heures, nous rentrons à Port Victoria. Après cette pêche, particulièrement émouvante, pour laquelle on se passionne vite, surtout dans un pays où l'on n'a pas la ressource de la chasse. L'Australian, revenant de Nouvelle-Calédonie et d'Australie, me reprend le 16 mai à Mahé pour me déposer le 30 à Marseille après une magnifique traversée. Pour terminer, je dirai quelques mots des cultures, du commerce et de l'histoire naturelle des Seychelles. Sur toutes les îles et la plupart des îlots, la grande culture est celle du cocotier. La noix de coco débarrassée de sa bourre est concassée et exposée au soleil. L'amande s'en détache toute seule et porte alors le nom de copra. Après dessiccation, ce copra est mis dans des moulins très primitifs, formés d'un mortier en bois sur les parois duquel presse en tournant un gros pilon de même matière. Le mouvement est ordinairement fourni par un bœuf. L'huile produite est recueillie dans un seau, puis mise en fût et exportée en majeure partie vers l'Inde par des voiliers et de là en Angleterre par vapeurs spéciaux. Le résidu de ce pressage rudimentaire, qui laisse une bonne proportion d'huile dans le copra, est utilisé pour la nourriture des porcs, bestiaux et volailles auxquels il communique un goût écœurant. Avec la bourre du coco, on a fait d'excellents cordages à Mahé. Puis l'usine a été transformée pour la fabrication du savon au moyen de l'huile de coco. C'est le clou de girofle qui occupe le second rang dans la production des Seychelles. Puis vient la vanille. Enfin, on a commencé des cultures de café et de cacao qui donnent de belles espérances. La canne à sucre est surtout cultivée à l'île Frégate, où l'on fabrique un excellent rhum. La banane, le manioc, viennent fort bien et entrent pour une grande part dans l'alimentation des Seychellois. Le sol ne se prête pas, malheureusement, à la culture du riz. Les légumes d'Europe poussent mal dans l'archipel, surtout les pommes de terre. Les volailles sont couvertes de parasites et restent maigres. Le bétail est encore plus difficile à élever à cause du manque de fourrage. Le porc seul réussit bien. La seule viande de boucherie à Port Victoria est la grosse tortue de mer, Chelonemidas, qui pèse parfois plus de 200 kilos et est élevée dans des bassins au bord de la mer. On élève aussi les grosses tortues terrestres, Testudo elephantina, mais elles ont une valeur assez considérable et l'on n'en mange que dans les grandes circonstances. Le poisson est excessivement abondant et forme la base de la nourriture des riches et des pauvres. Au point de vue géologique, toutes les îles et îlots sont formés de roches primitives, granites, granulites, quartz. On trouve cependant, dans certaines granulites, de petits filons de basalte qui montrent, selon M. Vélin, que les phénomènes volcaniques qui ont joué un rôle si considérable dans l'océan Indien ont eu comme un retentissement dans ces îlots anciens. Cette apparition de lave basaltique, en filons, sans projection, sans scorie, sans l'appareil habituel à ces sortes de roches, doit être attribué à une réouverture des fractures qui anciennement avaient livré passage aux granulites. La botanique nous donne une indication précieuse de l'aire qu'a pu occuper la lémurie dans la distribution géographique du genre Nepenthes. Cette plante étrange, Nomelian potau aux Seychelles, passe pour faire sa provision d'eau et la conserver pour s'arroser elle-même en cas de sécheresse. En somme, on n'est pas bien d'accord sur le véritable rôle du vase muni de son couvercle qui surmonte les feuilles. Ce qui nous importe, c'est que ce genre Nepenthes est localisé entre la Nouvelle-Calédonie et Madagascar, en passant par les îles Malaises et les Seychelles, et qu'il n'existe nullement en Afrique. Pareil fait se passe pour les fameuses phyllies, qui miment si parfaitement les feuilles sur lesquelles elles vivent qu'on les a nommées mouches-feuilles. La distribution géographique du genre Phyllium est à peu près la même que celle du genre Nepenthes et peut corroborer l'idée que les terres sur lesquelles on les rencontre ont pu être rattachées antérieurement. Je puis encore citer un beau Buprest, coléoptère, que j'ai découvert à l'île de la Digue, le Dichercomorpha aluodi, Kerman. Or, le genre Dichermorpho présente lui aussi, à peu de choses près, la même aire géographique que les phyllies. Et D. aluodi est une espèce très voisine de D. farinosa des îles Adamant. L'entomologie nous fournit une quantité de faits analogues révélant l'affinité de la faune des Seychelles avec celle de l'Inde ou de la Malaisie. Les Cecilia, ces étranges batraciens vermiformes, presque aveugles, dont j'ai déjà parlé, ont une distribution géographique des plus inexplicables. On les trouve aux Seychelles, en Afrique orientale et en Amérique méridionale. À l'heure actuelle, on ne rencontre plus aux Seychelles de grands animaux terrestres indigènes. Les tortues éléphantines y ont été très probablement importées d'Aldabra. Elles s'y reproduisent et s'y développent à merveille. J'ai pu en rapporter 3 beaux exemplaires au Muséum de Paris. Le crocodile a disparu de l'archipel depuis un demi-siècle environ. On n'a d'ailleurs jamais signalé aux Seychelles de mammifères indigènes autres que des chauves-souris. Les lémuriens y auraient vécu, au dire de certains auteurs et de quelques vieux habitants du pays, mais le fait n'a malheureusement jamais pu être vérifié. La lémurie a-t-elle réellement existé? Question impossible à résoudre dans l'état actuel de la science et que l'on ne résoudra peut-être jamais. Car si l'hypothèse d'un rattachement entre les terres éparses que nous voyons aujourd'hui dans l'océan Indien est le seul moyen d'expliquer les phénomènes de distribution géographique dont j'ai donné quelques exemples, il faut considérer aussi que cet océan est dépourvu d'îles dans sa partie centrale et que l'archipel des Chagos se dresse au milieu d'abîmes recouverts de 4 ou 5 000 mètres d'eau. Si l'existence de ce continent disparu n'est pas une pure hypothèse, il faut reconnaître qu'en sombrant, il a entraîné avec lui toutes les preuves de son existence. Le général Gordon, l'infortuné héros de Khartoum, avait imaginé, au moyen du récit de la Bible, de reconstituer le paradis terrestre, qui, selon lui, aurait eu son fameux jardin à l'île Pralin. Le fruit du Lodoïcéa étant le fruit défendu. Or, chose étrange, le philosophe naturaliste Haeckel, en se basant sur les considérations d'un ordre tout différent, arrive au même résultat que le pieux général anglais, c'est-à-dire qu'il place vers les Seychelles les origines de l'humanité. Ainsi s'achève le voyage aux îles Seychelles par M. Charles Aluot.